But you rescued me from reaching for the bottom. From the bottom. And brought me back from being too far gone. Ooh. You're as smooth as Tennessee whiskey. What's up, you guys? Thanks for watching this episode of Partwork. If you want to get the sheet music for this song, check out the link below. Bonsoir, il est 19h, vous venez d'écouter Tennessee Whiskey dans les coulisses de Radio Web Passion. Donc il est 19h et je suis ravie de pouvoir à nouveau partager l'univers d'un artiste pendant une bonne heure. Il a accepté d'être interviewé et de jouer quelques titres. Ce soir, c'est de la chanson française que je vous propose. Il est auteur, compositeur, interprète en guitare-voix. Bienvenue à Vince Terranova dans Radio Web Passion, dans les coulisses. Bonsoir Vince. Salut à tous, bonsoir. Tout va bien Vince? Ouais, c'est vrai, je suis tout ça. auteur, compositeur, tout ça. Eh oui, auteur, compositeur, ouais. À toi tout seul, puisque ouais. C'est un projet solo. Solo, ouais. D'accord, très bien. On va faire connaissance avec toi, donc on va... On veut tout savoir sur toi, Vince. Vous saurez tout. Qui tu es, d'où tu viens, ton histoire, comment tu en es arrivé là, pourquoi tu es ici aujourd'hui, parce que tu n'es pas de la région en fait. Ah non. Tu es d'où, Vince? Je suis d'Ardèche. Enfin, je vis en Ardèche. Tu vis où exactement en Ardèche? Dans le nord de l'Ardèche, à côté de Annonay, la capitale des Montgolfières. Comme ça, on on sait au moins quelque chose ce soir. C'est déjà culturel là ton émission, ça y est, paf, on apprend des trucs. Ah, déjà j'ai un haut niveau là, tu vois, j'ai une pression. C'est France Culture là. Très bien, donc en fait, donc Vince, toi tu as un projet en guitare-voix, donc c'est ce que je disais il y a quelques minutes, oui. En chanson française, mais oui. Pas exclusivement en chanson française. Non, il y a un petit peu d'anglais aussi, il y a de plus en plus de français j'avoue. Mais alors, parce que j'aime de plus en plus faire du français. C'est beaucoup plus difficile d'écrire en français pour moi, donc il y a un petit défi en plus, donc voilà. Et sinon, bah, je chante aussi en anglais, parce que j'ai eu la chance de tourner pendant des années avec un pote américain, dans un duo qui s'appelait XTV. Voilà, donc je chante aussi bien en anglais qu'en français. Enfin, aussi bien, je dirais. Je sais pas bien qualitativement, je sais pas, mais je chante facilement en français, en anglais, voilà. D'accord. Et tu te sens plus à l'aise plutôt en français ou plutôt en anglais ? Oh, je sais pas. Ça dépend des chansons en fait, parce que certaines sont très intimes et du coup, je préfère les chanter en anglais, histoire que les gens comprennent pas forcément tout. Et puis il y en a d'autres où je les chante en français et puis tout le monde comprend et puis c'est encore une autre émotion, donc. Non, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai plus trop de préférences. J'aime bien le français. J'aime bien voir les gens en face comprendre ce que je dis, puis les amener un peu plus dans mon univers. Donc voilà. Très bien. Je voulais savoir comment ça a démarré pour toi, en fait. Le démarrage dans la musique. Aujourd'hui. Oula, la musique pour moi, c'est. Enfin, j'ai 40. Je sais plus combien, 46, je crois. J'ai 46 ans. J'ai fait du piano depuis l'âge de 6 ans. Donc tu vois, ça fait 40 ans que je fais de la musique. Après, j'ai eu plusieurs groupes, donc quand j'étais à la fac, voilà, les premières expériences de groupe à faire du punk rock, et voilà. Donc c'était un groupe qui s'appelait Baby on Board, ça a duré plusieurs années. Après, donc ça c'était à l'époque où j'étais dans le sud-ouest, j'habitais, parce que je suis originaire du sud-ouest. Après, je suis venu en Rhône-Alpes, et je raconte ma vie, je suis un artiste, je peux. Mais t'es là, ouais, pour ça, voilà. Pour raconter ta vie. Voilà, donc je suis allé en Rhône-Alpes et puis j'ai fait la connaissance de gens qui étaient dans la musique aussi, de toute façon. Et donc j'ai remonté un projet là-bas qui s'appelait Dali Sux et ça a tourné plusieurs années. Donc c'est pendant cette période-là que j'ai rencontré donc les gars de Uncommon Men from Mars. Voilà, un groupe dans lequel jouait donc Trint, qui après avec qui on avait fondé XTV, le duo acoustique qui a tourné de 2012 jusqu'à 2018. Et puis voilà, 2018, l'aventure duo XTV s'est arrêtée. Puis moi j'ai continué en solo et depuis je suis tout seul. Voilà. C'était un choix qui s'est fait au moment de la séparation. Ou est-ce que c'était déjà un projet que tu avais déjà sous le coude et tu t'es dit pourquoi pas, c'est le moment, j'avais ça et je l'avais jamais, je voulais le faire mais c'était pas l'occasion, et là oui c'est l'occasion, ou alors pas du tout? Non, c'était dans le duo, c'était vraiment super cool, enfin XTV ça a été une super aventure, donc c'est vraiment parce que le groupe s'arrêtait et que moi j'avais pas envie d'arrêter quoi, que du coup j'étais intermittent, j'avais mon statut, j'étais. Donc allez, feu, quoi, on continue, quoi. Et puis j'avais plein de chansons en cours, donc j'avais de la matière, donc on y va, quoi. Après, c'était un challenge aussi, tout seul. C'était toi qui écrivais uniquement à cette époque-là, ou pas ? Non, Trint, il écrivait aussi des chansons, mais on était assez... Enfin, je suis assez productif comme garçon, donc toujours plein d'idées qui passent par la tête. Donc. Et avant XTV, est-ce que c'était toi qui écrivais également ? Ouais, dans Dali Sux, ouais, j'écrivais. Après, dans Baby on Board, on écrivait ensemble avec mon pote Franck, là, et... Mais sinon, j'ai toujours écrit la musique. D'accord. Ouais. Quelles sont tes influences ? Oula. J'ai envie de dire... Alors à la base, moi, je suis pianiste classique, donc chez moi, si vous venez quasiment n'importe quelle heure, il n'y a quasiment que du classique tout le temps. Après, par contre, je suis un gros consommateur de pop anglaise. Enfin bon, Beatles, bien sûr. J'adore tout ce qui est rock prog aussi. Donc Pink Floyd, enfin des trucs qui datent quasiment que des gens morts. Tu vois, t'écoutes des musiques, c'était ah mais lui non j'irai pas les voir parce qu'il y en a la moitié ils sont morts. Il faut dire que aujourd'hui à 20 ans il y en a beaucoup qui meurent aussi. Hein. Ah oui c'est vrai mais bon. Ils ont vécu beaucoup plus vieux. Hein. Ah c'est clair. Non mais bon voilà, je suis très influencé parce que j'ai un grand frère qui écoutait quand j'étais gamin, qui écoutait Doors, qui écoutait beaucoup de blues rock. Donc il écoutait Doors, il écoutait aussi, il était fan de Noir Days, écoutait Pink Floyd, enfin c'est lui qui m'a fait découvrir tout ça, donc voilà. Et puis après, Bon, les Beatles, c'est une grosse influence, les Beatles. J'aime beaucoup. D'accord. Enfin, influence, non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Après, je sais pas si vraiment ça s'entend quand je compose, mais voilà. Puis beaucoup, je suis plus curieux de tout ce qui est pop britannique aujourd'hui. Ouais, c'est un style qui me parle bien. Les Anglais, ils ont l'art de faire des chansons. Et tu as des noms, là, sur ce qu'il y a au plus contemporain? Bah, moi, j'adore Cigarettes After Sex, par exemple. J'adore ce groupe. Cigarettes After Sex. Ouais, c'est très sensuel et c'est vraiment super comme groupe, j'adore. Et donc, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Après, j'aimais bien les groupes comme Heartfire. Après, c'est pas forcément des groupes d'aujourd'hui, mais ouais, j'aimais bien tout ça. Un groupe qui s'appelle The Rifles, par exemple, qui tourne encore, que j'adore. Voilà. Super. Ouais. Tu es auteur, compositeur, interprète. Donc ouais. Aujourd'hui, sur ton projet solo, c'est pas trop compliqué de faire les trois quand on est seul? Bah, après, c'est naturel de... Enfin, pour moi, c'est naturel d'écrire mes chansons, de toute façon, depuis tant d'années. Après, de les chanter, j'ai toujours... Bon, voilà. Au début, c'était les potes qui disaient « Ah, t'as qu'à être chanteur, tu chantes bien. » Ah, ok. Puis après, au bout d'un moment, bah, tu te prends au jeu. Aujourd'hui, bah, je pense que je chante pas trop mal, donc voilà. Je m'éclate à le faire, donc... Non, après, c'est pas... La partie musicale est pas forcément la plus dure quand on est tout seul. Voilà. C'est quoi qui est difficile aujourd'hui? Ah ben après, surtout un artiste comme moi qui n'a pas de label, pas de producteur, pas d'agent, pas de tourneur, c'est tout la partie à côté quoi. On va en parler en deuxième partie d'émission. All right, j'arrête. Ne spoile pas. T'inquiète. Mais bon, ok, mais c'est déjà une grosse partie là. Tu me dis, c'est pas le plus compliqué pour moi, mais je veux dire, quand t'es seul sur scène, t'as personne pour te récupérer. Tu te plantes, ouais. t'es face à toi-même, t'es face au public. Comment tu gères justement quand tu te plantes? Est-ce que tu rebondis facilement? Est-ce que... Bon, ça, c'est l'expérience qui fait ça, parce qu'aujourd'hui, t'es intermittent depuis combien de temps maintenant? Oh, ça fait 7 ans. Et avant, que faisais-tu en fait? Avant, j'ai fait plein de boulot. Enfin, j'étais à la fac. Après, ben, forcément, je suis sorti de la fac, j'avais rien à faire. Donc, j'ai fait plein de boulot en usine, en machin, en truc. Et puis après, j'ai été graphiste. Enfin, je me suis improvisé graphiste. Après, j'ai appris le métier. Et j'étais graphiste. Voilà, je bossais dans la com pendant 10 ans. Et je suis un très très mauvais communicant pourtant. Mais bon, je savais le faire pour les autres, mais pas pour moi. Oui, donc t'avais quand même une corde supplémentaire à ton âme. Ah ouais. Donc, même si tu dis que t'es un mauvais communicant, le graphiste. Être graphiste, est-ce que ça a un lien avec les réseaux sociaux, avec la façon de communiquer? Forcément. Après, quand il y a des gens qui me prennent en photo et que je trouve la photo jolie, après ça devient des pochettes d'albums. C'est pour les Facebook, les machins, les photos de couverture, oui. Insérer des textes, insérer. Voilà. Ouais. On est d'accord, mais après, en termes de stratégie de communication, c'est peut-être autre chose. Ah ouais, peut-être. Tu vois, c'est peut-être pas le métier pur de graphiste, enfin d'être un community manager, c'est pas. Bien sûr, c'est pas le même métier, mais ça c'est donc, sûr. Donc c'est peut-être, tu l'as peut-être pas encore vraiment beaucoup exploité aujourd'hui, ça. Ouais, puis après moi je fais la musique depuis tellement longtemps et puis quand je faisais la musique, il y avait pas les Facebook, il y avait pas les machins, donc enfin. C'est difficile de le voir. Enfin, moi, je le vois que comme un outil, mais certainement, je l'utilise pas assez parce que c'est pas ma culture, en fait. Voilà, la culture, c'était on se bougeait le cul et puis on allait dans les concerts avec les potes et on savait même pas ce qu'on allait voir, mais il y avait un concert, on y allait, quoi. Et c'est comme ça que, voilà. Dis-moi, pendant le confinement, oui. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ça s'est passé comme beaucoup d'autres, ça s'est passé que rien. On faisait rien. Non, mais évidemment, toutes les dates de concert et tout ça, c'était annulé, au mieux reporté. Voilà, donc j'ai fait un peu comme plein de collègues artistes, j'ai fait des lives Facebook. Voilà, c'est un pote qui a un café-concert qui m'a invité à en faire un via leur page. Et j'en ai refait deux ou trois, je sais plus. Des petits lives sympas. Après, j'ai profité du fait de vivre à la campagne pour faire un petit clip avec mon téléphone, là. Et voilà, on a fait un petit clip sympathique. Filmé et monté par Lucie, d'ailleurs. Voilà, ça s'appelle Le Train de la Misère. Je la jouerai peut-être tout à l'heure si je suis motivé. Je sais pas encore quel morceau je vais jouer en deux, mais bon, c'est pas grave, je trouverai. Dépêche-toi de réfléchir parce que c'est pour dans quelques minutes. Bon, ça va aller. Et voilà, et puis. Ouais, ben voilà. Facebook Live, j'ai dû faire des petites reprises, des petits covers comme ça, histoire d'alimenter un petit peu, de dire je suis encore là. M'oubliez pas trop vite, les gars. Oui, je t'ai vu. Tu fais rarement des covers, on en parlait tout à l'heure. C'est pas... Toi, tu as démarré directement à l'écriture et la compo. Mais c'est étonnant parce que souvent les artistes démarrent par la reprise et ensuite se mettent à composer. Toi, tu n'as pas du tout eu ce cheminement-là. Non, alors je l'ai pas eu parce qu'en fait mes dernières années d'école de musique, donc en piano, je devais avoir entre 15 et 18 ans, je pense. J'ai eu la chance de tomber sur un prof de piano qui me laissait au départ changer les tempos des morceaux que je jouais. Après, il me laissait changer les harmonies quand il y avait des mélodies, qu'il y avait des accords. Alors pour les musiciens, ça parlera peut-être pour les autres moins, mais quand il y avait des accords mineurs ou majeurs, ben il me laissait le choix de soit le mettre en majeur, soit le mettre en mineur. Et après, il me laissait carrément la liberté de changer certaines parties de la mélodie. Ce qui fait que, assez rapidement, quand je prenais un instrument, je jouais des choses qui sortaient de mes doigts et de ma tête, quoi. Donc, finalement, j'ai créé. Alors, c'était pas forcément. Il y a une fois où je suis retombé sur une vieille cassette. Bon, je gagnerais pas une victoire de la musique avec ça, hein, mais bon, même pas avec ce que je fais aujourd'hui. Mais bon, c'est. Enfin, voilà, ça a toujours été un réflexe de faire ma musique et voilà. Très vite. Quel est ton carburant quand tu écris ? Est-ce que tu as aussi besoin d'être dans un état d'esprit particulier ? Comment tu écris, en fait ? Bah, comme beaucoup de gens, l'alcool et les drogues. Mais non, bon, il n'y a rien de particulier. Non, mais très franchement, c'est une question que j'aime pas forcément parce que je vais être inspiré un soir par un truc qui m'est arrivé le matin et ça va me revenir le soir comme ça. Je vais commencer à gratouiller sur la guitare ou sur le piano, puis j'ai un truc qui va venir et les paroles qui vont venir, ça va parler d'un truc que j'ai vécu le matin ou peut-être la veille. Ou enfin, c'est, si tu veux, je suis pas du genre à, je vis quelque chose, par exemple j'ai un truc chouette, un truc pas chouette, et puis je me dis ah ben tiens, ah ça ferait une chouette chanson, je prends ma guitare et je fais une chanson là-dessus. C'est, je suis d'abord touché par quelque chose et je le digère. Je suis peut-être un peu lent dans ma tête, mais je le digère, et puis peut-être un jour ou deux après, ou peut-être une semaine, je suis en train de jouer, comme ça je gratouille, je sais pas trop, et puis tac, j'ai une mélodie, j'ai des mots qui viennent et voilà. Alors en solo, bon, c'est pas trop compliqué, t'es d'accord avec toi-même. Mais quand tu es en duo ou vous êtes plusieurs à écrire, comment vous faites pour vous mettre d'accord sur les histoires ? Est-ce que chacun écrit un bout ? Enfin, comment vous... Ben ça dépend. Dans XTV, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu des périodes où Trint avait ses chansons, moi j'avais les miennes, on les a rangées après tous les deux. Après, il y a eu des chansons que lui avait pas tout à fait finies et il me demandait de l'aider à fignoler des arrangements. Après, il y a des chansons où moi j'avais juste un refrain et des bribes de couplets, et on écrivait la chanson après ensemble. Ouais, après, ouais, enfin, il n'y a pas vraiment de recette, hein, je crois. Hein. Enfin, c'est un peu tout le monde pareil. Hein. Mm-hmm. À part vraiment les groupes où il y a un leader qui écrit tout et les autres font, voilà. Mm-hmm. Mais là, nous, c'était un peu comme ça. Enfin, en plus, ouais, bon, je joue solo, mais aujourd'hui, quand je me produis sur scène, j'ai une pédale looper. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est... Tu vas nous en parler voilà. après. Ah, ben j'en parle après. Tu nous en parles après. J'arrête. Justement, ton titre là. D'accord. Donc c'est maintenant qu'il faut que tu choisisses. C'est le moment. Ah, c'est le moment où je joue. Ah ben oui. Ah mais non, mais le premier c'est bon, je sais. Ah, tu sais le premier ? Ah, le premier. Alors, ouais. Comment il s'appelle ? Alors le premier, il est tiré de mon album, donc Rien à perdre. Alors les gens, si vous voulez l'acheter, cherchez pas parce que j'en ai plus. Et j'ai tout vendu. Vous avez combien ? Bon, j'en avais 500. Hein. Et donc voilà, il est tiré de cet album-là. Après, on peut l'écouter sur Spotify et tout machin, mais bon. On mettra les liens à la fin. Voilà. Et cette chanson, elle s'appelle Je suis toi. Donc tu vas prendre. C'est quoi comme type de guitare ? C'est une électroacoustique Takamine Jumbo, pan coupé. Je suis hyper précis. Mais oui. Jumbo, pan coupé. Très bien, mais on t'écoute. Allez. Vas-y, installe-toi, prends ton temps. Ça Quand tu rêves d'océan, montagne vieille comme le temps, je suis poussière. Quand tu sens souffler le vent, que tu ris comme un enfant, je suis la terre. Quand tu peux enfin gommer les traces, que les cicatrices s'effacent, je suis lumière. Quand la vie te tend la main et que tu la prends pour t'ouvrir enfin, oh, du plus profond de mes entrailles, là où la raison déraille, je veux crier d'une seule voix que toi tu es moi et je suis toi. Plus rien n'a d'importance, c'est que tu deviens silence, je suis prière. Quand tu détournes les yeux de tout pour faire passer le dégoût, je suis misère. Mais quand le temps est à la fête, que se creusent les pommettes, je suis populaire. Quand la vie te tend la main et que tu la prends pour t'ouvrir enfin, oh, du plus profond de mes entrailles, là où la raison déraille, je veux crier d'une seule voix que toi tu es moi et je suis toi. Et je suis toi. Que ne maintient ses promesses, je suis l'univers. Quand je souhaite le meilleur pour toi ici ou ailleurs, c'est bien plus que ça, c'est bien plus que moi. Du plus profond de mes entrailles, là où la raison déraille, je veux crier d'une seule voix que toi tu es moi. Que toi tu es moi et je suis toi. Et je suis toi. Bravo Vince. Donc vous êtes toujours dans les coulisses de Bérénice sur la radio Web Passion. Et mon invité est Vince Terranova ce soir jusqu'à environ 20h, 20h30. Si vous êtes parmi nous, rebonsoir. Rebonsoir, pardon, je buvais de l'eau. Donc bravo pour ce titre, donc, qui est un extrait, c'était un single qui était de ton album Rien à perdre que tu as sorti en 2018, c'est ça? Ouais, fin 2018. Ouais. Fin 2018, donc c'est l'unique pour le moment? Oui, pour l'instant, ben ouais, j'ai ça. Et puis après, alors au départ, j'étais parti pour peut-être sortir un EP là, juste avant l'été. Et puis il y a eu le confinement, le Covid, tout ça, donc ça m'a un peu coupé l'herbe sous les pieds. Mais voilà, bah, je vais m'y remettre et je vais enregistrer pour d'ici la fin de l'année. C'était un album de combien de titres que tu as sorti en 2018? 9 titres. D'accord, très bien. Ouais. Et donc exclusivement français, il y avait plus de français, d'anglais? Il y a plus de français, oui, mais il y a deux chansons d'anglais. Deux chansons d'anglais. Trois chansons d'anglais, je crois. Tu avais sorti un clip aussi, en parallèle ou... Alors, sur cet album-là, non. Non, j'ai pas fait de clip, non. D'accord, mais tu en avais fait depuis que tu as ton projet solo, est-ce que tu as sorti des clips? Et donc, ouais, j'ai fait un clip pendant le confinement, là. D'accord, et avant, tu n'en avais pas fait? Et avant, j'en avais pas fait, non. D'accord, très J'avais bien. Eu des projets pour en faire, mais après, j'étais pas trouvé le temps, enfin voilà. Est-ce que tu as des projets de sortir un nouvel EP ou un nouvel album? Ouais, je pense que là, à l'heure actuelle, je me verrais bien sortir un EP d'ici, peut-être d'ici la fin de l'année. Voilà. Et là, peut-être pour sortir aussi un clip, c'est de trouver. Mais après, c'est toujours pareil, les clips, moi, je suis pas très doué. Après, j'ai des potes qui savent en faire et ça, mais après, il faut trouver le temps, il faut trouver l'idée, il faut trouver. Donc voilà, ça s'est pas fait, pas parce que je voulais pas, mais parce que voilà, ça s'est pas fait. Voilà. D'accord. Ça se ferait plutôt par chez toi, en Ardèche? Parce que c'est joli par là. Ah ouais, c'est joli. Mais après, tout dépend. Ça peut être. Bon, après, moi, je vis à la campagne, mais j'ai rien contre des ambiances citadines. Ça peut être. Enfin, tout dépend de l'idée. Si ça sert le morceau, si ça sert l'ambiance, si, voilà. Ok, ce qu'on avait dit tout à l'heure, qu'on allait revenir dessus, hein, donc notamment sur les stratégies, ce qui te manquait. Aujourd'hui, tu es intermittent, tu m'as dit, depuis 7 ans. Ouais. Tu as eu plusieurs projets. Là, tu es sur ton projet solo. Mais tu as exploité, et tu nous le diras par la suite, que tu es en train d'exploiter, explorer aussi, revenir à des collaborations beaucoup plus importantes également sur des groupes. Ouais. Donc ça, tu vas nous le dire aussi. Donc tu fais des allers-retours en fait. Un coup c'est à plusieurs, un coup c'est solo. Ouais, ouais, ça je tourne, sais pas. Mais voilà. Après, tu sais, moi je me laisse porter. Hein, tu sais, moi je cherche pas. Bon, XTV, la fin d'XTV, c'était. Je pense que c'était pas écrit qu'il fallait qu'on arrête, quoi. Mais. Enfin, ça, voilà, ça s'est fait comme ça. On était au bout de l'aventure, on a arrêté. Moi j'ai continué solo. Là, il y a une occasion qui s'est présentée avec Degus, Marco et Ninou, s'ils nous écoutent. Voilà, et on a monté un projet électrique, ça s'appelle My Taylor is Beach, et voilà quoi. Et on est trois, et on s'éclate. Après, on se laisse porter, le projet est cool, les mecs avec qui je joue, ils sont hyper cool. On a plein de chansons déjà. On a déjà fait un concert, trois répètes, un concert, boum. Bon, on a joué cinq morceaux un peu mal, mais on les a joués quand même. Mais c'était rigolo. Enfin, c'est sur l'énergie, c'est une autre énergie, c'est autre chose. Donc là, c'est un projet plus punk rock. Enfin, je reviens un peu à mes premiers amours. Mais voilà, plus punk rock, tout en anglais, parce que voilà, c'est compliqué d'écrire en français. Donc en anglais, c'est plus facile. Alors moi, j'ai eu l'opportunité de te voir sur scène seul, ouais, à plusieurs reprises, ouais, donc notamment sur Orléans. Oui. Donc tu vois, tu viens souvent sur Orléans jouer. J'adore Orléans. Mais pour ceux qui connaissent, qui sont sur Orléans, bah, sachez que Vince vient régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux. Java Pop notamment. Et notamment voilà la Java Pop. Et en fait, il se dégage une énergie hyper importante. Tu es seul sur scène, mais pas si seul que ça, parce qu'en fait, t'as des instruments. Plusieurs, oui, instruments, oui. Tu as des pédales. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement, peut-être pas rentrer trop dans la technicité, mais dans la technique, pardon, mais plutôt nous expliquer un petit peu comment tu fonctionnes, ben, sur scène. Ouais, ouais, ouais. En fait, le truc, c'est que donc j'ai plein de potes qui font de la guitare solo, enfin guitare chant comme ça en solo. Et donc j'adore, je suis très très fan. Il y a Forest Pookies, il y a Macnograph, enfin à Lyon on a un vivier d'artistes comme ça, c'est vraiment super. Un pote aussi qui s'appelle Selenite à Pau, qui est complètement incroyable de talent, et que je vous invite d'ailleurs à aller voir aussi, tous ces gens-là, et écouter. Et le truc, c'est que après, non seulement bon, les autres ils le font très très bien. Moi, je voulais pas faire exactement la même chose, juste guitare et chant. J'adore tout ce qui est harmonie vocale, j'adore harmoniser. Je suis depuis tout gamin, je travaille sur les harmonies et, de par la formation de pianiste. Et le truc, c'est que je me suis dit, comment je peux faire tout seul pour essayer de continuer d'avoir, donc pour la période après XTV, où on était deux à chanter, faire plein d'harmonies vocales et guitare. Comment faire pour continuer de garder un peu cet esprit-là sur certains morceaux, histoire en plus de donner du relief dans mon set pour qu'il soit pas toujours juste guitare-voix, pas trop linéaire tout le long, quoi. Donc, le morceau que je viens de faire là, donc, Je suis toi, quand j'ai écrit ce morceau, il m'est venu en tête un tout petit thème donc de piano. Donc il fait un comme ça. Et l'idée m'est venue d'acheter une pédale looper. Alors une pédale looper, c'est une pédale où on peut enregistrer des petits bouts et qui après se répètent à l'infini, ou alors quand on arrête, on reprend. Voilà. Donc c'est très utilisé en ce moment. Enfin, il y en a beaucoup d'artistes qui l'utilisent. Et donc je me suis dit, tiens, sur un morceau comme Je suis toi, pourquoi pas jouer avec en fond derrière ces notes de piano qui tournent et ça crée un peu du relief. Donc je l'ai fait, je me suis acheté un tout petit clavier aussi pour jouer les notes en vrai, mon pédale sampler. Maintenant je sample aussi des voix, j'arrive à enregistrer des voix et puis je rechante par-dessus, puis ça fait plein de chœurs de partout, puis après je chante le lead par-dessus. Je tape sur ma guitare comme si c'était une percussion et je me fais des rythmiques. Enfin, et ça crée des morceaux hyper riches, quoi, parce que je commence par la percussion, après je mets une rythmique guitare, après par-dessus je mets un petit thème guitare avec un son, avec une grosse réverb, avec un gros écho. Après par-dessus je rajoute des voix et puis à la fin ça finit, il y a plein de trucs, quoi. Et c'est déjà arrivé dans un concert, et des gens arrivent en plein milieu du concert, ils étaient à la porte. Dans la salle, et que c'est le copain qui était aux entrées qui me racontait ça, et que les gens arrivent, ils disent « Mais c'est qui le groupe qui joue, quoi ?» Et en fait, bah, c'est Vince, il est tout seul. Et les gens disent « Mais il n'est pas tout seul, il n'y a pas qu'un mec tout seul, là. » Parce qu'ils ne voyaient pas la scène encore, il y avait une porte à passer. Et donc, voilà, ils sont rentrés dans la salle, et ils ont fait « Ah, ok, d'accord, il est tout seul. » Mais c'est chouette, moi j'aime bien. Est-ce que ce n'était pas pour combler, ou c'est venu au fur et à mesure ? Est-ce que c'était brut au départ, et ensuite, au fur et à mesure, tu as développé autre chose ? T'as complété ou est-ce que... Non, dès le début, quand le... Dès mon premier concert solo, j'avais ma pédale looper. Et que j'avais passé toute la semaine à bosser dessus parce qu'il faut vraiment prendre le coup et tout ça. C'est hyper technique. Oui, c'est un travail dingue. Hein. C'est un gros travail, je confirme. Je confirme. On ne se rend pas compte de l'extérieur. Mais tu fais des trucs hyper sympas. En plus, t'as une pointe d'humour et d'ironie. Tu es ironique aussi un petit peu avec toi-même quand même. Hein. Tu t'autoflagelles des fois. Hein. J'ai un peu cette impression-là quand t'es sur scène. J'étais venue une fois à la Java Pop avec mon fils. Ouais. On a passé une soirée géniale. Ça nous a regonflé, on est sorti, on avait une patate. peut-être toi t'étais épuisé, mais nous on avait la patate. J'avais tout donné. C'était très très sympa. Donc, en plus, c'est les thèmes que j'aborde, j'essaie de les faire les plus positifs possibles, même si parfois ce sont des sujets graves, quoi. Ça peut être de la mort, la séparation, j'essaie de. C'est ça, en fait, voilà. c'est tragique. De mémoire, c'était une jeune fille qui avait peut-être des sentiments envers toi, mais toi, tu ne le voyais pas de la même façon. Et en fait, tu l'expliquais, tu étais assez ironique. Quoi. Mmh. Je ne sais plus c'était quel titre, est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'était « Everyone Deserves ». Ouais. Qui est un super titre et qui était très dramatique à la base. Et tu en fais quelque chose de hyper, hyper positif. Ben ouais. Donc, on se sent hyper gonflé, regonflé en fait en sortant de tes concerts. Donc ça, déjà, merci. Parce qu'on en a tous besoin. Oui. Donc, s'il y a un but, tu l'as, au moins. Ouais. Hein, s'il n'y avait pas de but, pour les dépressifs, ils peuvent venir avec leur carnet de santé. Je fais des tampons de la sécurité sociale. Ça peut être remboursé, le concert. Tu sais ce qu'on va faire ? On va se faire une pause musicale avec Mehdi Kayenne. Oui. Et puis, on va continuer, bien sûr. Je ne te mets pas dehors, hein, tu restes avec moi. Hein, d'accord. Il fait meilleur dedans que dehors. C'est vrai qu'on est bien là. Ouais. Donc, on s'écoute Mehdi Kayenne, La Pluie, qui est québécois. À tout à l'heure. À tout à l'heure. We'll be right back. Vous venez d'écouter Médicayenne, La pluie. Vous êtes dans les coulisses de Bérénice sur Radio Web Passion. Mon invité ce soir est Vince Serranova. Donc, on t'a déjà écouté lors de la première partie. Tu nous as fait un titre de ton album Rien à perdre. Oui. Tu me rappelles le nom de ton single que tu nous as fait tout à l'heure ? C'était Je suis toi. Je suis toi. Oui. Et tu auras certainement un projet en fin d'année d'un nouvel EP. Oui. Dit tout à l'heure, et puis oui. Peut-être un clip qui arrivera ou pas, peu importe. En tout cas, il y a des projets qui arrivent. Comment tu finances ton projet aujourd'hui, justement, quand tu tes enregistrements, toute la sortie d'un EP, comment est-ce que tu finances ces projets ? Je le finance tout seul. Hein. Voilà, c'est je finance. Heureusement aujourd'hui, enfin heureusement, j'en sais rien, mais. Ça coûte pas hyper cher d'enregistrer des CD. Et puis moi, j'en avais fait 500, donc 500, c'est pas très cher. Après, derrière, j'ai pas de budget de. Par exemple, j'ai pas de plan com, j'ai pas d'attaché de presse, j'ai pas de. Enfin, souvent, c'est ça qui coûte cher. La communication, elle coûte hyper cher. Et le truc, ma seule promo, c'est de tourner, quoi. Tourner tout le temps, jouer partout où je peux jouer. Et donc après, je compte. Après, toujours pareil, quand tu payes ton disque toi-même, t'as un peu plus envie que les gens l'achètent. Donc, quand tu disais que sur scène, il y a de l'énergie, il y a du machin, enfin, c'est. Bah ouais, c'est forcément. J'ai aussi envie de vendre mes disques, j'ai envie de partager ma musique avec les gens. Donc voilà, donc je les vends après, mes disques, à la fin de mes concerts. Donc ça rembourse une partie. Et puis voilà. Mais après, globalement, c'est avec les. Puis je tourne beaucoup. Donc l'an dernier, j'ai. Non, en 2018, j'ai fait 130 ou 140 concerts. C'est énorme. Voilà, et puis l'an dernier, un peu moins. J'en ai fait, je crois que j'en ai fait 70, mais voilà. Je tourne beaucoup, et donc il y a une partie des sous. Parfois, je me fais payer, j'ai un petit fixe, et puis j'ai du chapeau, donc ça fait un peu de liquide, donc je le mets de côté. Et puis après, quand j'ai assez pour me faire un disque, je fais un disque. Toi, tu joues où, sur quel territoire sinon enfin, sais qu'à Orléans, on te voit quand même régulièrement. Et sur quel autre territoire on peut te trouver ? Après, partout. Hein. Partout où on veut bien de moi. Hein. Là, la semaine, non pas la semaine prochaine. Non, en fin de semaine, je joue à côté de Lyon. Donc voilà. Et puis après, au mois d'août, normalement, je ne devais pas avoir de date. Et puis finalement, il y a des choses qui s'étaient annulées, qui ne s'annulent plus finalement. Et je pars jouer dans le Nord, je suis invité à jouer à Dunkerque, donc je vais jouer à Dunkerque. Donc sur la route, je joue à Compiègne, après en rentrant, je vais m'arrêter à Boulogne, certainement jouer, et puis après, en redescendant à côté de Meaux, et je reviens après du côté d'Orléans. Les 7, 8 et 9, avec mon pote Mourad. On va rappeler les dates à la fin, justement, de l'interview, oui. Hein, oui. Pour qu'on soit sûr de venir te voir. Je jouerai à Saint-Jean-de-Bray, tiens, le 7. Le 7 ouais. août. Le 7 août, ouais. D'accord, donc c'est pas très loin. Ça. Ouais, c'est pas très loin, c'est bien. Tu sais où t'as... C'est le Meeting Pot. Ah oui. Chez Mélanie. D'accord. Chouette bien. Lieu, chouette resto. D'accord. Venez. Oui. Oui. Surtout, venez. Surtout venez. Hein. belle soirée en perspective. Oui. Tout à l'heure, tu nous as évoqué le fait d'être seul sur scène, mais seul sur le projet, hein, puisque le projet musical, tu le portes aussi tout seul. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que toi, tu as la volonté de t'entourer ? Tu as quand même une société qui te permet d'avoir des bulletins de salaire et puis une boîte de production ? J'ai une association qui a une licence d'entrepreneur de spectacle. Et donc, il va dire qu'elle produit mon spectacle et donc elle m'emploie pour le faire. Donc, c'est elle qui me fait mes fiches de paye. Donc voilà. Après, comme tout musicien, c'est n'importe quelle activité. De toute façon, c'est quelqu'un qui monte son entreprise. Pendant qu'il produit, il fait pas de com. Pendant qu'il fait de la com, il produit pas. Pendant qu'il produit et qu'il fait de la com, il innove pas. Enfin, c'est comme n'importe quel métier finalement. Quand j'ai des périodes où j'ai besoin de composer, j'ai des choses à exprimer, j'ai des choses à faire. Je néglige la com. Quand je néglige la com, je néglige le démarchage. Quand je néglige le démarchage, ou que je fais que du démarchage, je néglige la production. Donc, j'écris plus de chansons. Donc, n'importe quel musicien qui a envie de vivre de sa musique, qui compose ses chansons, bah, de temps en temps, avoir un petit coup de pouce, quelqu'un qui l'aide à trouver des concerts. Parfois, ça peut être juste un pote. Hein. Ça peut être un pote qui dit, bah, tiens, moi, je vais t'aider à trouver les concerts, passer des coups de fil. Bah, ça fait toujours du bien, quoi. Et donc, j'avais espéré avoir un petit coup de main en début d'année, là. Et puis, bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Et pour des bonnes raisons, d'ailleurs. Mais après avoir... là, je vais sortir un EP. Si je pouvais trouver un petit label pour m'aider à lui donner plus de visibilité, à travailler un petit peu dessus, donner un peu de visibilité, parce que bah, et puis après toujours pareil, moi je donnez-moi une guitare, je sais faire, mais enfin à peu près quoi, mais après le métier de, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux communicants, bah ce sont des métiers quoi. Mmh. Quelqu'un qui bosse dans un label, qui s'occupe de développer un disque, de le présenter, voilà, l'attaché de presse qui va le présenter au magazine, au webzine, au web radio, aux radios, enfin bah, c'est du job, quoi, c'est du temps, et voilà, et tout, par, de temps en temps. Alors, il y en a qui arrivent très bien à le faire, des artistes qui arrivent à faire tout comme il faut, nickel, ils sont hyper organisés, tout ça. Bah, moi, j'avoue que c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais, après... Puis, le truc, c'est que, tu vois, j'ai divorcé il n'y a pas très très longtemps, et ce qui était très très dur pour donc, mon ex-femme, c'était le fait que... Une journée que je vais passer à téléphoner où je vais passer 30 coups de fil, je vais avoir une réponse. Une fois, il y a un mec qui va me répondre et qui va me dire que ça ne l'intéresse pas. Le lendemain, je vais en passer 5. Et les 5 répondent et les 5, je cale un concert. Ah bah, le jour où je vais passer mes 30 coups de fil, je vais m'épuiser. Le soir, je vais être abattu. Et puis voilà, puis ma pauvre épouse qui est à côté, c'est elle qui me voit tout abattu, tout voilà. Le lendemain, j'ai calé 5 concerts en faisant que dalle, juste en passant 5 coups de fil. Là, je suis tout euphorique. Et puis, 2 jours après, de nouveau, une journée où je vais rien caler. Puis après, à nouveau. Et ce côté dents de scie comme ça, là, c'est ouais, hyper éprouvant. Voilà. Quand on est seul, bah, c'est éprouvant parce que bah, c'est nous les premières victimes, on va dire. Enfin, victimes. C'est nous les premiers à vivre ça. Mais pour les gens qui nous entourent, je vois maintenant, bah, je vais avec mes enfants. Voilà, et bah, y a des moments où bah, ils ne comprennent pas trop. Ils sont là, bah, pourquoi tu... Pourquoi t'as pas l'air content? Bah oui, parce que bah, j'ai travaillé tout aujourd'hui, mais ça m'a, j'ai rien fait finalement. Mmh. J'ai un peu perdu ma journée. Alors après, perdu non, parce que de temps en temps, il y a des gens, tu les appelles une fois, ça les intéresse pas, deux fois, ça les intéresse pas. Et puis après, ils entendent parler de toi par un autre biais, puis finalement, bah, ça peut les intéresser. Donc, et un jour, je sais pas pourquoi, bah, ils te disent, bah allez, viens. Ok. Mais c'est un travail de fourmi, c'est un peu, parfois, c'est un peu pesant. Plus que d'autres. L'envers du décor, être dans les coulisses. Dans les coulisses, c'est ça, ouais. Dans les coulisses, c'est pas toujours très, très gay. Les paillettes, c'est devant. Bah, si tu veux, je parle assez facilement de l'envers du décor, des coulisses, justement, je parle assez facilement. Le fait de plaisanter, les gens qui enfin, il y a plein de gens qui me disaient, mais toi, tu pars en tournée, c'est génial, tu t'éclates. Avec XTV, on allait jouer en Hollande, en Angleterre, machin. Les gens imaginaient qu'on faisait du tourisme, quoi, que c'était vraiment, un peu cliché, mais enfin. Et j'en parle assez facilement de dire, bah, finalement, non, parce que tu roules, t'arrives, tu t'installes, enfin, tu roules, t'arrives, t'attends, tu t'installes, t'attends. Tu fais les balances, t'attends, tu joues, tu passes ton temps à attendre et voilà. Mais après, c'est quand même des chouettes soirées, c'est des expériences uniques et voilà. Mais c'est bien d'un côté que les gens gardent ce côté étoile, paillettes, de dire voilà, c'est cool. Imagine un mec qui arrive sur scène et il fait 3 notes de guitare, c'est magique, il chante. Enfin, je parle pas forcément de moi là, mais voilà, un mec qui arrive, il va jouer 2 accords, il va chanter, ça va vous transporter. Et là, tu dis, il fait 2 accords, mais le mec, c'est simple. Alors qu'en fait, il y a un boulot de ouf derrière. Le mec, il a répété 30 000 fois ces 2 accords pour que ça sonne parfait. Donc, c'est bien qu'il y ait quand même ce côté, que ça fasse rêver, que ça continue de faire rêver, que ce soit de la musique, du théâtre, de la sculpture, de la peinture. C'est bien. L'autre jour, je discutais avec un pote qui fait de la décoration dans le cinéma. Et il disait, moi, ce que j'aime, c'est quand les gens ils me disent, ouais, tu t'es pas foulé pour ton décor. Ouais, c'est... Alors qu'en fait, il a passé des heures et des heures, mais c'est bien fait, donc on se rend pas compte du boulot, quoi. Et quand le décor est invisible, c'est là que c'est joli, quoi. Donc quand le show qu'on propose, le spectacle qu'on propose aux gens, quand les gens arrivent pas à voir les ficelles, c'est vachement bien. Après, tu parlais tout à l'heure comment je fais quand je me gourre. Ben, en général, quand je me gourre, j'arrête. Je m'arrête, je fais ah merde, je me suis gouré et je recommence. Et enfin, je préfère le faire comme ça. Il n'y a et... pas de parade. Non, voilà, c'est... Après, il y a certains petits pains au milieu où là, je fais une petite grimace. Et s'il y a des gens qui sont dans le public qui connaissent la chanson, ils me regardent en rigolant et je leur... Alors, je fais une petite mimique du genre « Eh ouais, j'ai merdé !» Mais bon. Eh ouais, ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive, hein, c'est bien. C'est plutôt sympa. Dis-moi, est-ce que tu veux nous faire un titre? Parce que je crois que tu as quelque chose... Ouais. Quelque chose pour nous, non? Ouais. Un deuxième? Ouais. Alors, tu peux nous annoncer? Putain, j'hésite encore. C'est vrai? Ouais. Ah, tu veux qu'on parle encore et puis tu Non, non, non. Non, non, non, non, non. Est-ce que, je sais pas, ça vous dirait que je chante une petite chanson d'amour? Une chanson d'amour. Ah, une, oui, chanson d'amour. Une chanson d'amour. Mais bon, je la connais pas très bien parce que ça fait pas longtemps que je l'ai écrite. Une chanson de Darling. Une chanson de... chanson de Darling, ouais. Bon, merde. Bon, je vais peut-être me gourer dans les paroles parce que je la maîtrise pas encore. Comment elle s'appelle? Pour elle. Pour elle? Ouais, pour elle. Merde. Alors, c'est parti. Rigole pas, hein. Pour être quelqu'un dans tes yeux, je ferai n'importe quoi. Si être haut, c'est être deux, j'irai habiter dans tes bras. Je n'imagine pas ma vie sans la passer à tes côtés. Mais que ferais-je si un jour tu t'en allais? Et c'est pour ça que tu sais, jamais, je la maîtrise pas encore. C'est l'émotion, tu vois. Et voilà. Je sais plus. J'ai un trou noir. Bon, c'est tant pis. J'ai essayé. Tu veux nous jouer autre chose? Je vais faire autre chose. Je vais faire un 30 jours, je la maîtrise plus. C'était l'émotion. Bon. Bon, mais je vais faire un 30 jours, du coup, qui est sur l'album Rien à perdre. Voilà. Vous voyez, ça arrive. C'est le même thème, de toute façon. Tant d'années ont passé, presque une éternité, juste assez pour changer, mais pas assez pour oublier ce gamin que j'étais, mes héros à la télé, mes rêves à réaliser, dans mon âme est gravé tout ce que j'ai vécu, ces gens, ces inconnus que j'ai pu croiser dans la rue, tant de choses qui n'existent plus, sans avoir disparu du flot de mes souvenirs, ceux qui ne font pas souffrir. J'ai peur de n'être un jour que ce qu'on attend de moi, de devenir quelqu'un que je ne suis pas, oublier qui je suis, que ma place est ici, et même si c'est pas une vie, y'a que comme ça que je suis bien, et j'y peux rien, c'est comme une maladie, sombrer dans la folie, comme retrouver l'envie, d'à nouveau faire n'importe quoi, des choses qu'on devrait pas, trouver enfin le chemin, sur dire je ne regrette rien. J'ai peur de n'être un jour que ce qu'on attend de moi, de devenir quelqu'un que je ne suis pas, oublier qui je suis, que ma place est ici, et même si c'est pas une vie, y'a que comme ça que je suis bien, et j'y peux rien. Devenir quelqu'un que je ne suis pas, oublier qui je suis, que ma place est ici. Et même si c'est pas une vie, y a que comme ça que je suis bien, et j'y peux rien. Bravo Vince. Vous êtes toujours dans les coulisses de Bérénice sur la radio Web Passion. Mon invité est toujours Vince Terranova. Ouais. Bravo Vince. Rappelle-nous le titre de cette chanson. Alors la deuxième, c'était Être un jour. Et la première, c'était Darling. Ouais, c'était pour elle. C'était pour elle. Ouais, mais c'est l'émotion. Et donc voilà, Être un jour qui est sur le disque aussi. Rien à perdre. Voilà, une chanson très forte aussi que j'avais écrite. Tu parlais tout à l'heure d'énergie communicative qui fait du bien, on ressort avec la pêche. Et cette chanson, je l'avais écrite à une période parce que être musicien ou plus généralement faire un métier qui est pas forcément que les gens parfois ne connaissent pas, tout simplement, ou ils imaginent que c'est que des métiers, il y a que de la précarité, que c'est toujours la merde, on galère tout le temps. C'est vrai de temps en temps, mais voilà. Et puis il y en a qui galèrent, il y en a d'autres qui galèrent moins. Mais donc voilà, quand t'as un CDD, que tu dis moi j'en ai marre, moi je fais de la musique depuis toujours, j'ai envie de me lancer là-dedans, voilà, t'as toujours plein de gens qui lèvent les boucliers autour de toi en disant non, c'est pas possible, tu vas pas y arriver, tu vas pas lâcher un CDI pour ça. Enfin, donc voilà, tu trouves plein de gens qui te donnent de bonnes raisons de pas le faire, alors que toi t'as qu'une envie, c'est de le faire en fait. Et donc cette chanson, je l'avais écrite à un moment donné où je pensais que là je m'étais perdu, je pense. Mais t'es un peu perdu. Et donc j'ai écrit cette chanson parce que c'est important de naître un jour, enfin d'avoir peur d'être un jour que ce qu'on attend de soi, quoi, finalement. Ce que les autres attendent de toi. T'as plein de gens qui attendent. Moi, mes parents, ils auraient été heureux que je sois prof. Voilà, je suis allé à la fac et j'ai arrêté juste avant la dernière marche. Juste avant le diplôme, j'ai arrêté. Voilà, parce que je me suis rendu compte que c'était eux, c'était pas moi. J'adore l'histoire, hein, mais c'était leur passion à eux, c'était pas la mienne. Voilà, moi, la mienne, c'était la musique. Donc, voilà. Très jolie. Ouais. Très belle histoire. Ouais. Et justement, toi, quand on a 40 ans, moi, je me suis arrêtée à 40 ans. Hein. Ouais, moi, je compte encore. Non, t'as compris. Bon, on va dire 40. Mais je ne l'ai fait pas. Quand on a 40 ans, ça fait 7 ans qu'on est intermittent, à quoi on rêve maintenant? Est-ce qu'on rêve encore? Ouais. Ah oui, on rêve. Moi, je rêve toujours de pouvoir continuer à le faire le plus longtemps possible. Et puis, je rêve de toujours continuer de rencontrer des gens extraordinaires sur la route, de partager des super moments. C'est des moments incroyables, quoi. J'ai une anecdote aussi, justement, par rapport à cette chanson, Être un jour. Un copain qui s'appelle Romain, qui m'a vu en concert à Toulouse chanter cette chanson, Être un jour. Et qui s'est rendu compte que... dans la vie, il était que ce que les autres attendaient de lui. Et que lui, dans la vie, je crois qu'il bossait il bossait à Airbus, je crois, il bossait là-bas. Et parce que je crois que son père bossait là-bas aussi. Enfin, c'est une histoire un peu comme ça. Enfin, il bossait dans une entreprise où il y avait déjà des gens de sa famille qui bossaient. Et puis c'était genre le schéma tout tracé comme ça. Et à la fin du concert, il m'a dit, tu vois, la chanson, là, Être un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça mon rêve. Mon rêve, c'est d'être moniteur de jet ski. Voilà, à Arcachon. Et aujourd'hui, il est moniteur de jet ski à Arcachon. Et j'ai joué à Gujan-Mestras, juste à côté. Et le jour où j'ai joué là-bas, le matin même, par la poste, il a reçu son diplôme de moniteur de jet ski. C'était un moment, mais de ouf. Romain, je te fais un gros bisou. Je t'aime très fort, mon grand. Voilà. Très émouvant, en tout cas. Belle histoire. Ouais, mais c'est ça aussi. Et puis c'est la vie, c'est comme ça. Après, là, c'est le biais de la musique. Donc, c'est bien. Mais après, ça peut être autre chose. Ça peut être un... Voilà, c'est... Après, tu sais, on parle de métier comme ça, mais j'avais un pote qui vivait dans une famille d'avocats. Enfin, les parents étaient tous les deux avocats et lui voulait être peintre. Mais peintre en bâtiment, quoi. Il voulait faire de la peinture, du placo et tout ça, quoi. Il a eu les mêmes problèmes. Parce que non, il fallait qu'il soit avocat, qu'il fasse des métiers plus glorieux que peintre ou plaquiste, quoi. Alors que c'est un métier complètement honorable, quoi. C'est un bon métier, quoi. Mais non. Et donc, ils l'ont fait chier, ses parents. Alors, finalement, il l'a fait, mais ils l'ont fait chier et... Mais là, c'est l'inverse, quoi. Il faut toujours essayer d'être ce qu'on a envie d'être, poursuivre ses rêves. Je vais avoir deux dernières questions. Ouais. À moins que toi, tu aies autre chose à dire sur le sujet. Non. Alors, je finis toujours par ces deux questions, oui. Toujours les mêmes dans l'émission. Comment tu te vois dans 5 ans? Alors, je ne peux pas dire sans cheveux parce que j'en ai déjà plus. Dans 5 ans, je sais pas. J'espère que je serai toujours aussi passionné. Ouais, je pense que oui, quand même. J'ai peur d'être déçu. Le métier, il y a une part dans le métier aujourd'hui que je ne maîtrise pas et qui n'est pas. Tout à l'heure, je parlais de. Il y a 20 ans, on allait dans les concerts, on faisait pas le métier de la même manière, quoi. Le métier de musicien, c'était pas pareil. On faisait pas. La com, c'était pas comme aujourd'hui où. Enfin, les mecs, ils arrivent, il faut avoir une identité graphique, il faut avoir une identité vestimentaire, le mec, il te signe parce que t'es habillé en jaune, quoi. Pour moi, c'est complètement incompréhensible, c'est un langage que je parle pas, quoi. Et moi, je suis encore à la vieille école à dire, je fais mes morceaux, je joue dans des grandes salles, dans des petites salles, sur un festival, sur un tout petit troquet où il y a 10 personnes qui rentrent. Enfin, moi, je m'en fous, c'est. Voilà. Après, voilà, j'espère pas être trop. Blasé, enfin pas blasé, mais déçu, enfin fatigué par le métier, enfin certains aspects du métier de la musique aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais bon, j'espère, j'ai confiance. Bien sûr. Une dernière question. Quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent se lancer dans la musique? Oula. T'as une demi-heure si tu veux. Non, mais le conseil, c'est comme la chanson être un jour, quoi. C'est soyez vous-même, quoi. Faites ce que vous avez envie de faire, quoi. Là, tout à l'heure, je voulais vraiment chanter la chanson pour elle parce que voilà, c'est une chanson qui est importante pour moi en ce moment. J'ai pas réussi, mais c'est pas grave, j'ai essayé et la prochaine fois j'y arriverai, quoi. Je sais pas. Là, je parlais du projet My Taylor's Beach tout à l'heure. C'est avec deux potes. On se prend pas la tête. Tu parlais du projet solo. Oui, il y a des choses qui sont faciles à vivre, à supporter. Et puis il y a des moments où t'as envie de. T'es avec deux gars super, Marco et Anthony, que j'embrasse. Je suis avec eux, ça se passe bien. Je leur fais écouter des trucs que je compose électriques. Ouais, super, génial. Ça me dirait de jouer avec toi. Moi aussi, ça se fait naturellement. Il faut pas se prendre la tête, avant de vouloir être des stars, faut être des musiciens déjà, ce serait pas mal. Et puis il faut s'amuser, quoi. S'amuser, toujours s'amuser, s'éclater, s'amuser, toujours, toujours. Moi, je m'amuse dans mes concerts. Je m'amuse vraiment, quoi. Et vraiment, vraiment, même quand j'arrive, comme là au mois d'août, je vais enchaîner 5-6 dates, avec en plus beaucoup de kilomètres. Mais je me connais, quoi. Je sais qu'il y aura des moments où je serai un peu crevé, mais dès que j'aurai ma guitare et que je serai sur scène. Qu'il y aura la première note qui va résonner, quoi, ça y est, quoi, je serai à fond, quoi. Faut toujours prendre du plaisir, toujours, toujours. Et voilà. Et puis partager. Après, il faut savoir pourquoi on fait ça. Voilà, c'est tout. J'ai des potes qui font de la musique parce qu'ils sont passionnés. J'ai des potes qui font de la musique parce qu'ils ont besoin d'exprimer des choses qu'ils n'arrivent pas à exprimer comme ça naturellement. Une fois, j'ai un copain de Casse-Tête, là, dans le sud-ouest, Patrick. Je crois qu'ils nous écoutent d'ailleurs. Je les embrasse tous les deux, là, Patrick et Justine. Qui me disait on adore venir te voir jouer parce qu'avec des mots simples, tu arrives à exprimer des choses que nous, parfois, on n'arrive pas à exprimer. Et des choses parfois pas faciles à exprimer. Et c'est pourtant des mots tout simples. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, j'en connais, qui ont besoin de ce côté curatif. Ils font de la musique déjà pour se faire du bien à eux. Parce que eux, faut pas croire, quoi. Moi, j'ai la prétention de penser que ma petite vie et mes petites expériences, elles peuvent intéresser des gens et que si moi, j'arrive à me faire du bien avec ce que j'écris, ça peut peut-être faire du bien à d'autres, quoi. Donc voilà, c'est arrivé plusieurs fois d'avoir cette expérience-là. Donc moi, j'aime bien. Alors, je vais pas faire le truc du genre, votre soutien me donne encore plus envie de continuer. Non, je fais la musique déjà, c'est pour moi. Après, si les autres aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, je vais pas m'arrêter parce qu'ils aiment pas. Je continuerai quand même. Tant qu'il y en a qui aiment. Mais faites-le pour vous. S'il y a un conseil, c'est faites-le pour vous et soyez vous-même, quoi. Après, même si ça ressemble un peu aux influences au début, c'est normal. Mais bon, j'aime bien. On peut rappeler les dates, hein, les prochaines dates de concert, s'il te plaît? Ouais. Alors, pour le public orléanais, ça ne concerne pas trop, mais donc vendredi, là, je joue à côté de Lyon, là, enfin en dessous de Lyon, à Crémieux, au Broc Café, un endroit complètement fou. Un village de brocanteurs, c'est un super endroit. Un gros bisou à Karine d'ailleurs. Et après, le 1er août, je joue au-dessus de Compiègne, chez mes amis Max et Isa, un petit house show comme ça, là, qui va bien faire du... Ça va faire du bien, tout ça. Le lendemain, donc, je joue à Dunkerque. Le truc, c'est, je ne peux pas vous dire où, parce que je ne sais pas encore. Ils avaient m'envoyé le lieu, puis je ne l'ai pas. Alors, attends, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le 5, je joue normalement. Ça doit être confirmé demain, mais ça doit être bon. Donc, à Boulogne-sur-Mer, au Vieux Singe. Le jeudi, après, je joue au Décapsuleur à la Ferté-sous-Jouarre, à côté de Meaux, dans les Yvelines. Et enfin, donc, le 7 août, là, ça concerne plus le public orléanais. C'est chez nous, c'est chez nous. Voilà, le 7 août, donc, c'est à Saint-Jean-de-Bray, c'est au Meeting Pot, chez Mélanie. Le samedi, c'est à Sully-sur-Loire, c'est la Navigue. C'est la Navigue. La Navigue, voilà. C'est à côté de chez moi. Ah, c'est à côté de chez toi en plus. Ah ouais, voilà. C'est un endroit très sympa aussi. Ouais. Et le dimanche, donc c'est le midi, c'est le dimanche 9, je crois. C'est le midi, c'est le café de la mairie à Laye-en-Val, c'est entre Orléans et Blois. Enfin, c'est voilà. Pas très loin non plus. C'est pas trop loin non plus, non. Ouais, donc on a trois dates où on a des chances de pouvoir te voir. Exactement. Et t'entendre. Et je jouerai donc les trois dates, donc on va dire orléanaises plus là. Je les jouerai donc avec mon ami Mourad, voilà, un artiste peut-être que les gens du local connaissent, voilà, qui lui aussi joue guitare solo, guitare chant solo. C'est un coplateau, tu veux dire? Ouais, c'est un coplateau. D'accord. On s'est fait un coplateau là sur ces trois dates-là et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'embrasse. Voilà. Donc ton dernier EP s'appelle Rien à perdre, il est sorti en 2018. Voilà. Et puis tu as un nouveau projet qui va arriver en fin d'année, donc voilà. Un nouvel EP. Voilà. Il sera physiquement disponible. Oui. Non. Et peut-être que je represserai Rien à perdre. Peut-être. Avec peut-être une nouvelle version de une ou deux chansons là, que je joue un peu différemment maintenant. Donc peut-être que je represserai aussi celui-là parce que bah, c'est bien, il y a des gens qui aiment bien. Bon, après le CD, y a, même dans les voitures, je crois qu'il n'y a même plus de lecteur. Donc c'est compliqué. Mais, bon, il y en a qui. Voilà. Dans ma voiture seulement. Ouais. C'est vrai. Non, mais après, tu sais, il y a des gens qui ne savent pas trop comment supporter. Comment aider, par exemple, un artiste dont ils ont apprécié le concert, tu vois. Et le fait d'acheter un CD, en plus, moi, je le vendais, je ne sais plus combien, je le vendais, ouais, peut-être 10 balles, mais... Enfin, voilà, même 5 ou 10 balles, enfin, c'est une façon de dire, bah, mais j'ai aimé votre concert, bah, je vous l'achète. C'est une forme de soutien. Bah, c'est une forme de soutien. Moi, je trouve que la démarche est chouette. Plus souvent, c'est l'occasion de discuter avec la personne après. Et vu que je suis hyper accessible, les gens me parlent assez facilement après. Hein. Puis, je parle facilement avec eux aussi. À chaque fois que je suis venue te voir en concert, c'était plein. Ouais. Donc tu commences à, enfin tu es connu sur la région en tout cas. Ah ouais. Je commence, ouais, il y a des gens qui viennent, qui sont impatients de me voir revenir, ça ouais, c'est ouais, ça à chaque fois, ouais, à chaque fois. Tu surveilles les dates. Ouais, ça me fait marrer ça moi que à chaque fois. Je préfère préciser, donc il sera parmi nous au mois d'août. Voilà. Je vais te souhaiter un bon retour. Oui, merci. Tu es venu de l'Ardèche, donc je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ah ben, merci de m'avoir invité, surtout. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview avec toi. Bah, pareil. Donc, très sympa. Très sympa, je suis très sympa comme garçon. C'est très cool. Plein de talent. Ah ben, écoute, j'espère, j'essaye. Humainement. Très sympa, donc c'est vraiment c'est important, tu sais, les artistes ils ont quelque chose à donner, mais aussi il y a la personnalité de l'artiste aussi, tu vois. Bah, une fois, moi je me rappelle la fille d'amis chez qui on mangeait, elle était comme une dingue parce qu'on était assis à sa table, et bon, elle était un peu jeune, et à un moment donné elle dit ah, c'est mes potes, ils vont pas le croire quand je vais leur dire au lycée que j'étais avec XTV et tout. Ah, j'ai vraiment trop de chance d'avoir les artistes à ma table. Et moi, je lui ai dit, bah, tu sais, je crois que nous, artistes, on a beaucoup de chance d'être invités par des gens et d'être à leur table le dimanche. C'est chouette aussi, quoi. C'est parce que sans vous, on n'est rien. Hein. Bah, écoute, c'est un bel état d'esprit. Bah, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci. Moi, je vais vous quitter avec Hasard de Laura Mauger, qui est une artiste originaire de Bourges. Et sachez que la prochaine émission, de mon côté, se fera certainement qu'à la rentrée, dans les coulisses. Par contre, vous pouvez écouter Fabien demain sur son émission qui a lieu à 17h30 le mardi, Only Rock. Je vous souhaite un bon retour à tous et puis à très vite. Et merci encore, Vince, d'être venu dans les coulisses. Ben merci à toi, encore une fois. À bientôt et bon retour. Oui, au revoir. Merci. À bientôt. Thank you. hasard de la vie, on se balance un coup de chance, on plonge nage, on rebondit sur sa vie, des sauts carrés ou de l'empire, on vole, on tombe sur sa mine, nue de scellée. Je fuis quand tu lui. Et dans le hasard de la vie, où je t'emmène, toi tu m'emmènes. Et ça te gêne, engourdis-moi le poids de ta vie. Trine d'opale et de cristal, il est air, souffle doucement dans mon lit, t'auras le tiédis.